Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac? Écoute, tonton, d'abord c'est la rentrée, je suis en terminale, je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non? Je ferai peut-être une grande école. Laquelle? Celle qui me permettra de faire des maths. Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon? Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu.